بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الله عز وجل في محكم التنزيل واتقوا الله ويعلمكم الله ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون وقال الله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله La meilleure des paroles, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Et la meilleure des guidées, c'est la guidée de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et les plus mauvaises choses sont toutes les choses inventées dans la religion d'Allah. Toutes les choses inventées dans la religion d'Allah sont des innovations. Et toutes les innovations religieuses sont un égarement et tout égarement mène au feu de l'enfer. Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset « Craignez Allah et Allah Azza wa Jal vous enseignera ». Et Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset « Et craignez le jour où vous retournerez vers Allah Azza wa Jal ». Donc nous en étions, et le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Ittaqillahi haythuma kunt, crains Allah où que tu sois ». وَاتَّبِعَ السَّيِّئَةِ بِالْحَسَنَةِ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Crains Allah où que tu sois et fais suivre la mauvaise action par la bonne qui l'effacera et comporte-toi avec les gens avec un bon comportement. » Et comme nous avons déjà vu dans plusieurs cours, la taqwa, le sens global de la taqwa, c'est le but de la taqwa, c'est le fait de rechercher la science. Car c'est en recherchant la science que l'on connaîtra Allah Azza wa Jal, et que l'on connaîtra le prophète Ali Salat wa Salam, et que l'on connaîtra la voix des croyants qui étaient les compagnons du prophète Ali Salam, dans le détail, et que l'on connaîtra la voix des criminels dans le détail. Lorsque ces deux voix-là, la voix des croyants, Sabil al-mu'minin wa sabil al-mujrimin, la voix des croyants et la voix des criminels sont claires, eh bien nous savons celle-ci elle tient sur quoi et celle-ci elle tient sur quoi. Donc nous devons suivre la voie sur laquelle étaient les sahaba, puisque le prophète alayhi salatu wassalam, puisque Allah azza wa jal a dit dans le verset 115 de sourate An-Nisa, wa man yushaqiq ar-rasul من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسليه جهنم وساءت مصيرا. Et celui qui fait scission d'avec le messager, après que la voie claire, la voie droite lui soit apparue avec clarté, et suit autre que la voie des croyants, qui sont les croyants du temps de la révélation, ce sont les sahabes. Donc celui qui veut suivre autre que la voie des sahabes, eh bien Allah Azza wa Jal dit dans la traduction au sens du verset, nous le rendrons responsable de ses actes et le mènerons en enfer. Et quelle mauvaise destination. Donc, aujourd'hui, Inch'Allah, comme j'avais dit, nous allons continuer donc sur les explications des nawaq et de l'islam, de ceux qui annulent l'islam. Et nous avons vu dans le détail, dans la traduction de Cheikh Abdallah al-Bukhari, hafidhahullah, l'importance de connaître l'opposé d'une chose. C'est en connaissant l'opposé d'une chose que l'on connaît la chose elle-même. D'accord ? C'est-à-dire que si on ne connaît pas d'iddu, on ne connaît pas l'opposé d'une chose, c'est qu'on ne connaît pas la chose. Prétendre croire qu'on dit « La ilaha illallah », d'accord ? Mais pratiquer du shirk, ceci indique que l'individu n'a pas compris « La ilaha illallah ». Il ne sait pas ce qu'est « La ilaha illallah » et il ne sait pas donc ce qui l'oppose. D'accord ? Tant qu'il ne sait pas ce qui l'oppose, ça veut dire qu'il n'a pas compris avec détail le sens de « La ilaha illallah ». Ça, c'est un exemple parmi d'autres. D'accord ? Et Inch'Allah, bi'idhnillah, donc comme nous avons dit, mercredi, ce sera sur, et on y sera sur un autre sujet, bien sûr, ce sera sur « Kayfa takun mutaba'at al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam » Comment est le suivi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'accord ? Les conditions qu'il y a pour suivre le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que les dimanches, nous continuerons donc la série de Nawaq de l'Islam, qui sera un peu longue, Inch'Allah. Et nous avons terminé avec ce qu'avait dit donc le Cheikh ma hiya al-jahiliya kullu ma khalafa ma ja'a biha ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam fa innahu min al-jahiliya. Donc la jahiliya qui provient de jahl, de l'ignorance, d'accord, c'est ça correspond à la période pré-islamique, la jahiliya. Eh bien, en fait, c'est tout ce qui oppose le prophète, tout ce qui oppose hein, ce qui est venu avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, cela fait partie de la jahiliya. D'accord ? Donc, tout ce qui oppose le message avec lequel est venu le prophète Muhammad, alayhi sallam, eh bien, ceci, c'est de la jahiliya. إذن تحقيقك للفهم الصحيح لهذه النواقض هو تحقيق لمعرفة سبيل المجرمين على وجه التفصيل. Donc ta concrétisation de ta compréhension correcte de ces annulatifs de l'islam, c'est une concrétisation de la connaissance détaillée de la voie des criminels. D'accord ? الرسالة اسمها نواقض الإسلام ما معنى الناقض. Donc ce livret s'intitule, qu'on avait fait la lecture dans sa totalité, s'intitule « Les annulatifs de l'islam ». Que signifie « naqid » le terme « naqid » ce qu'on dit en français « annulatif ». « Nawaqid » jam'u naqid ».« Nawaqid » lorsque vous lisez « nawaqid » en arabe, c'est le pluriel de « naqid » d'un annulatif. « Wa nun wal qaf wal dad aslun wahidun sahihun yadullu ala nakthi shay » على نكث بالثاء نكث الشيء والنقد ضد الإبرام ضد الإبرام يقال نقضت الحبل أو العقد بعد أن عقدت عقدا donc le nun du terme en arabe نقد le nun le qaf et le dad donc نقد a une origine correcte qui indique ce qui est brisé. D'accord ? Qui indique une chose qui est brisée. Le fait de briser une chose. Casser la chose, brisée. Et le naqd est l'opposé du fait de conclure quelque chose. Parce que s'il y a une chose qui n'est pas conclue, ça veut dire qu'elle a été annulée. D'accord ? Tant qu'elle n'a pas été annulée, elle est conclue. Donc l'opposé de le fait de conclure un pacte, par exemple. L'individu, qu'est-ce qu'il fait ? Il annule le pacte, donc il cesse que ce pacte-là sera conclu. Il est dit, j'ai défait l'accord ou le pacte après avoir conclu un pacte, par exemple. وَرُبَّمَا يَدُلُّ لَفْظُ النَّقْدِ عَلَى معنى من معاني جنس الصوت فعبر عن الصوت به. Et il peut également aussi avoir le sens du genre de la voix. Ça nous dit qu'est-ce que saut, qu'est-ce que la voix a à voir avec naqd. D'accord ? Le fait que, par exemple, c'est silencieux. Et là, je parle. J'ai brisé le silence. D'accord ? Donc, c'est pour ça aussi que la voix, comme on va voir dans les hadiths authentiques, le mot naqd est aussi utilisé pour voix. D'accord ? C'est bien de le savoir, même lorsque on lit les hadiths. طيب هذا المعنى وهو نكث وضد الإبرام أو النكث عن الشيء أو هدمه أو إزالته هل له دليل في هذا في الشرع. C'est pour ça que le shir dit, là il demande là, maintenant, le fait de dire que voilà, dans ce sens incluant ce qui est brisé ou qui oppose le fait de conclure ou briser une chose ou la démolir ou l'enlever, y a-t-il une preuve dans cela dans la législation ? Na'am, oui. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقصت الكعبة. Dans les deux sahih, selon Aïcha رضي الله عنها, l'envoyé d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: si ton peuple n'avait pas été proche de la période pré-islamique, yani de mécréance, j'aurais démoli la Kaaba et l'aurait reconstruit sur ses fondations d'origine établies par Abraham. Parce que Quraysh, il l'avait construit hein, en réduisant le bâtiment. Donc, lorsqu'on relit en arabe, لَنَقَثْتُ الْكَعْبَ, donc j'aurais démoli. Là, pour naqd, c'est utilisé pour démolir. D'accord ? فَهُوَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ اسْتَخْدَمَ هَذَا الْمَعْنَى نقضت يعني أي يعني هدمت فنقضت هذا البناء. Donc il l'a utilisé pour dire démolir. وجاء عند مسلم أيضا في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا فرفع رأسه. Yani sami'a sawtan. Donc dans le sahih de l'imam muslim, rahimahullah, selon Abdallah ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait d'eux, on dit qu'Allah soit satisfait d'eux, radiallahu anhuma, parce que c'est pour Abdallah et puis pour son père, l'Abbas, d'accord ? Donc c'est pour les deux. Pendant que Jibril, dans ce hadith authentique, pendant que Jibril, alayhi salam, était chez le prophète, alayhi salam, assis chez le prophète, alayhi salam, il entendit naqidan en arabe, c'est-à-dire une voix. D'accord ? Il leva donc sa tête. Le sens ici, c'est la voix qui interrompt un état ou un silence. D'accord ? Un naqid ism fa'il. Min naqd shay idha nakathahu wa hadamahu wa ba'd ibram aw afsadah. Donc un naqid, c'est un nom. Parce que bon, si on dit c'est un nom en français, c'est pas pareil, d'accord ? Ism fa'il, c'est comme par exemple, on dit Mohamed yadhhab ila al-masjid. D'accord ? Mohamed va à la mosquée. Ism fa'il, c'est quoi ? C'est dhahab ila al-masjid. Dhahab, d'accord ? Celui qui va à la mosquée, c'est ça, ism fa'il, d'accord ? C'est le nom. D'accord ? Eh bien, on sait que c'est Mohamed. D'accord ? Et il y a aussi un naqd ou un naqid. يقول الله جل وعلا في كتابه وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. ويقول أيضا جل وعلا ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. D'accord. Et aussi dans d'autres versets. Donc ce qui rompt, ce qui annule est un nom, qui annule, qui abolit cette chose. On dit ou bien cette chose est brisée ou démolie après avoir conclu cette chose. Allah le Très-Haut dit dans la traduction du sens des versets 91 La traduction au sens du verset 91 et 92 de Sourat al-Nahl. Soyez fidèles au pacte d'Allah après l'avoir contracté et ne violez pas vos serments après les avoir solennellement prêtés. Et ensuite, dans la suite du hadith, et ne faites pas comme celle qui défaisait brin par brin sa quenouille après l'avoir solidement filé. Binaan ala hadha al-ma'na, fa ma al-murad binawaqid al-islam. Al-murad binawaqid al-islam, mubtilatuh wa mufsidatuh. Donc le cheikh Abdallah, Hafidhahullah, dit: nous basons donc sur ce sens, qu'est-il donc voulu par les termes? Donc vous voyez, lorsqu'il fait l'explication, on n'a pas encore commencé hein, les 10 annulatifs là. Donc les deux fois précédentes, on avait fait juste l'introduction. Et sur cela, il est en train d'expliquer juste le titre. Vous voyez? Donc, subhanallah, pour être détaillé, afin que lorsque l'on lit, eh bien, on en comprend tout dans le détail. D'accord? Et que l'on passe pas à côté de certaines choses. Donc il dit, nous basons donc sur ce sens, qu'est-il voulu par les termes nawaqid al-islam, donc ce qu'on dit en français, les annulatifs de l'islam. Ce qui est voulu par cela, c'est ce qui annule, invalide, corrompt l'islam. D'accord ? Wal-islam ma'nahu 'inda ba'd ahli al-'ilm. Donc là, il a expliqué sur nawaqid, d'accord ? Le pluriel de naqid, de ce qui annule, ce qui invalide, ce qui corrompt. D'accord ? Ce qui brise, ce qui démolit. D'accord ? Donc là maintenant il va parler sur l'islam. C'est quoi l'islam? L'islam ma'nahu 'inda ba'd ahli al-'ilm lahu ma'nan 'am wa ma'nan khas. Fal-ma'na al-'am ma huwa al-ma'na al-'am alladhi yashmalu kullu ma ja'at bihi ar-rusul 'alayhim as-salatu was-salam. Wal-ma'na al-khas huwa ma ja'a bihi an-nabiy sallallahu 'alayhi wa sallam hadha wajhan 'inda ba'd ahli al-'ilm. D'accord? Donc, nous avons donc vu dans le titre de ce livret ce qui est voulu par le terme nawaqid, maintenant concernant l'islam. Chez certains gens de science, l'islam, donc chez certains, une partie des gens de science, l'islam a un sens général, d'accord, et un sens spécifique. C'est bien de savoir en fait les, d'accord, un sens général et un sens spécifique. Qu'est-il le sens, qu'en est-il du sens général? Donc, c'est quoi? Donc le sens général qui est voulu par l'islam selon une partie des gens de science comprend tout ce que les envoyés d'Allah, alayhi salatu wassalam, sont venus avec. Ça c'est le sens général. Tous les prophètes et messagers hein, envoyés par Allah azza wa jal, d'accord, tout ce avec quoi ils sont venus, eh bien ça c'est l'islam au sens général. D'accord. Et le sens spécifique, c'est ce que est venu avec l'envoyé d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce qui est spécifique dans le sens spécifique, donc, il dit c'est ce qui est venu avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est selon hein, certains gens de science. وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ أَنَّ الْإِسْلَامُ لَفْظٌ لِكُلِّ مَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ وَرُسُلِهِ لَكِنَّ هَذَا الْإِسْمُ غُلِّبَ اسْتِعْمَالًا لِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et certains des gens de science disent que l'islam est tout ce qui est venu avec hein. Donc il y en a certains qui disent il y a un sens général et un sens spécifique. Ils disent le sens général, c'est ce qui est venu avec tous les prophètes et envoyés d'Allah, et le sens spécifique, c'est ce qui est venu avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'autres gens de science disent l'islam est tout ce qui est venu avec les envoyés prophètes d'Allah alayhi sallallahu alayhi wa sallam. D'accord ? Mais le terme islam a été utilisé le plus pour désigner quoi ? Pour désigner en fait ce qui est venu avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah le Très-Haut dit dans la traduction du sens du verset 85 de Sourate Al-Imran : et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point accepté de lui. Ne sera point accepté de lui, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Parce qu'en fait, comme on avait dit la dernière fois, tous ceux qui ont suivi leurs prophètes et messagers, du temps de Nuh, Al-Salam, Ibrahim, Moussa, tous ceux qui ont suivi leurs prophètes et messagers, qui adoraient Allah Azza wa Jal seul, sans rien lui associer, et qui suivaient leurs prophètes et messagers, eh bien, et ils sont morts sur cela, ils sont tous des musulmans. Donc, nous en étions où Allah Azza wa Jal dit, donc, dans la traduction du sens du verset 85 de Sourate Al-Imran, et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point accepté de lui, et il sera dans le-delà parmi les perdants. Donc comme je disais, tous ceux qui suivaient Moussa alayhi salam, tous leurs prophètes qui leur ont été envoyés, et qui ont cru en leurs prophètes, et qui unifient Allah azza wa jalla dans l'adoration, tous ceux-là, ils sont morts en tant que musulmans. D'accord ? C'est pour ça que les ulama donc disent hein, que l'islam, ça englobe tout ce qui est venu avec les prophètes et envoyés d'Allah. Mais le terme islam donc a été utilisé le plus pour désigner ce qui est venu avec le prophète alayhi salat wa salam. وهذا الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعريفه الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. Donc cet islam avec lequel est venu le prophète عليه الصلاة والسلام, d'accord, ce qui est voulu par l'islam c'est quoi? Donc je répète, الاستسلام لله بالتوحيد, la soumission à Allah par le pur monothéisme. Et la sujétion à Allah en lui obéissant. Et se désavouer du polythéisme et de ses adeptes. Al-mar'u ayyuha al-ikhwa qad yaqa'u fi ma yunqidhu aw yunqisu dina. Imma nuqsan min kamalihi al-wajib. أو ينقص توحيده من كماله الواجب أو كماله المستحب وقد يقع فيما ينقض دينه. Donc mes frères, l'individu peut tomber dans ce qui invalide, annule ou ce qui diminue hein, sa religion. Soit il diminue la perfection de ce qui est obligatoire ou diminue la perfection de son monothéisme et de ce qui est obligatoire, ou soit de ce qui est recommandé. Il se peut donc que cet individu tombe même dans ce qui invalide et annule sa religion. وهنا المعنى الذي ذكره الشيخ الإسلام نواقض الإسلام هل يريد به الإسلام بمعنى الأعمال الظاهرة أم يشمل الإيمان. Et ici, le sens que le cheikh a mentionné par les annulatifs de l'islam, est-ce que le cheikh veut par cela, hein, par cela, par dire, par est-ce que c'est l'islam dans le sens des œuvres apparentes, ou est-ce que cela inclut la foi? Donc est-ce que c'est seulement les œuvres apparentes, ou est-ce que cela inclut la foi? نقول بارك الله فيكم بهذا المعنى يشمل الإيمان والإسلام. Donc lorsque c'est l'islam, comme on va voir, qui est exprimé seul, eh bien cela inclut l'islam et la foi. Ça inclut les piliers de l'islam et les piliers de la foi. يقول الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله اعلم أن الإيمان والإسلام يجتمع فيهما الدين كله يجتمع فيهما الدين كله إلى أن قال إذا ذكر الإيمان مع الإسلام جعل الإسلام هو الأعمال الظاهرة الشهادتين والصلاة والزكاة إلى آخره. قال وجعل الإيمان ما في القلب من الإيمان بالله والملائكة وكتبه وأركان الإيمان الأخرى. قال وإذا ذكر الإيمان مجردا دخل فيه الإسلام وكذلك إذا ذكر الإسلام مجردا دخل فيه الإيمان. Donc, est-ce que lorsque, donc ce que le shir dit, lorsqu'il mentionne les annulatifs de l'islam, lorsque l'islam, qu'est-ce qui est voulu par cela? Est-ce que ça inclut l'islam, les piliers de l'islam, et ça inclut aussi la foi? Donc c'est ce qu'il va expliquer. Nous disons, barakallahu fikum, que ce qui est voulu par l'islam, cela inclut la foi et l'islam. Cheikh l'islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, sache que la foi, l'iman, et l'islam, donc la foi, l'iman, hein, et l'islam réunit la religion dans sa totalité. La foi et l'islam, la foi, l'iman, et l'islam réunit la religion dans sa totalité. Puis il dit, lorsque la foi est mentionnée avec l'islam, lorsque l'iman elle est mentionnée avec l'islam, D'accord ? Ce qui est voulu, c'est que c'est l'islam, l'islam là qui est voulu ici, lorsqu'il est mentionné avec l'iman, avec la foi, indique les œuvres apparentes. Ça veut dire les deux attestations de foi, la salat, la zakat, le jeûne, le pèlerinage. D'accord ? Les cinq piliers d'islam. Et la foi indique ce qui se trouve dans le cœur, c'est-à-dire les piliers de la foi. La foi en Allah, aux anges, aux messagers, yani aux prophètes et messagers envoyés par Allah Azzawajal, aux livres révélés par Allah Azzawajal, au jour du jugement et au destin bon ou mauvais, mais il provient d'Allah. Donc là, lorsque vous voyez, barakallahu fikum, lorsque vous voyez mentionné l'islam et l'iman, d'accord ? Ce qui est voulu par l'islam, eh bien, ce sont les cinq piliers de l'islam, et l'iman, ce sont les six piliers de la foi, d'accord ? Ça, c'est le premier point, lorsqu'ils sont mentionnés ensemble, d'accord ? Et il dit, lorsque l'iman, la foi, est mentionné seul, cela inclut l'islam. Lorsque l'iman est mentionné seul, cela inclut l'islam. Et lorsque l'islam est mentionné seul, cela inclut la foi. D'accord ? ذكر الإمام هنا أن نواقض الإسلام كم؟ 10. وهنا أنبي هل أراد الحصر أن نواقض الإسلام 10 يعني فقط يعني ليست أكثر؟ هو قال اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض، فنقول لما ظهر لكم فيما بينت لكم في أهمية هذه الرسالة يظهر لك أهمية تحقيق هذا الباب وفهم جدا لأنه من أبواب الدين أليس كذلك؟ Donc l'imam a donc mentionné ici que les alternatives de l'islam sont au nombre de 10. Ici le cheikh dit, mais il faut avertir une chose. Est-ce que il veut dire par cela qu'il n'y a que 10 alternatives de l'islam? Est-ce qu'il n'y a que 10? Est-ce que l'auteur a voulu dire qu'il n'y avait que 10? Hein? Ce n'est pas limité à 10 lorsqu'il dit ça, et il va rapporter des preuves notamment lorsqu'il dit ça. Lorsqu'il dit le shir, sache qu'il y a 10 choses qui annulent l'islam. Nous disons, lorsque j'ai clarifié, c'est ce qu'on avait dit dans les introductions des deux fois précédentes, lorsque j'ai clarifié l'importance de se livrer, il t'apparaît l'importance de concrétiser ce point et de le comprendre parfaitement. Car cela fait partie de la religion, n'est-ce pas ? أنت الآن إذا أردت أن تصلي ألا يلزمك ويجب عليك أن تعرف الصلاة وصفة الصلاة وكيفية الصلاة وأحكام الصلاة. إذا أردت أن تذهب إلى العمرة تسأل وتتعلم أحكام العمرة وهكذا الصيام وهكذا الحج وهكذا أليس كذلك؟ Le cheikh Abdallah al-Bukhari, hafidhullah, dit, lorsque tu veux faire la prière, n'est-il pas obligatoire pour toi de connaître la prière, la façon de la faire, les jugements, les règles dans la prière, les conditions, les piliers? Tu dois savoir cela, d'accord? Tu dois savoir cela. Si tu veux aller faire une umrah, tu demandes et apprends les règles, les jugements de la umrah, ainsi que pour le jeûne, ainsi que pour le hajj, n'est-ce pas? فهذا الباب نواقض الإسلام من الدين فيجب أن تعرفه وأن تحكمه لأنه من أبواب الشرع إتقانك وإقامتك له من إقامة الدين ذلك الدين القيم فتحقق العبودية لله كما أمرت إذا فهمت باب الأحكام المتعلقة بالنواقض فهمت ما يقابله من أبواب الإيمان ما هو ضد الإيمان ما هو ضد الإيمان هو الكفر فإتقانك لهذا إظهار لهذا إتقانك لهذا إظهار لهذا ولهذا تجدون بارك الله فيكم أن العلماء يتكلمون حول هذه المسائل في باب في أبواب الفقه يسمى أحكام الردة وهو جزء من أحكام الشريعة فنقول إن الشيخ رحمه الله لم يريد الحصر أن نواقض الإسلام هي 10 لم يريد الحصر ما الدليل؟ الدليل على هذا بارك الله فيكم أن هذه الرسالة قال فيها في نسخة أخرى للكتاب قال رحمه الله اعلم أن من أعظم نواقض الإسلام 10 اعلم أن من أعظم نواقض الإسلام عشرة، فدل على أنه لم يريد الحصر إذا جاء بمن. D'accord. Donc ce point important concernant les annulatifs de l'islam, tu te dois de le connaître, de le maîtriser, car cela fait partie de la législation d'Allah le Très-Haut. Lorsque tu maîtrises cela, que tu l'appliques, hein, cela fait partie de l'accomplissement de la religion. Voilà la religion de la droiture, comme Allah Azza wa Jalla dit dans la traduction du sens du verset. Qu'est-ce qui oppose donc la foi? Qu'est-ce qui oppose la foi? Qu'est-ce qui oppose la foi? La mécréance, voilà, clofique. Ce qui oppose la foi, c'est la mécréance. Donc si tu comprends et maîtrises l'un, l'opposé sera clair. Si tu comprends et maîtrises l'un, l'opposé sera clair. C'est pour cela que vous trouverez, barakallahu fikum, que les savants parlent sur ce sujet dans une des parties du fiqh nommée les règles jugement de l'apostasie, qui est une partie de la législation d'Allah Azza wa Jalla. D'accord ? Donc le cheikh, rahimallah, dans ce livret, lorsqu'il mentionne les annulatifs de l'islam, il ne veut pas dire qu'il n'y en a que 10. Quelle est la preuve ? Eh bien, dans une autre version de ce livret, les annulatifs de l'islam, le cheikh rahimallah dit sache que parmi min en arabe, d'accord, sache que parmi les grands annulatifs de l'islam, il y en a 10. D'accord ? Donc lorsque vous lisez cela, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a que 10. Parce que dans une autre version, vous voyez qu'il veut dire que c'est... Non, il n'y en a pas que 10. Mais parmi les annulatifs, eh bien, il y a ces grands annulatifs-là. « وَقَالَ أَيْضًا » Il avait dit aussi, رَحِمَ اللَّهِ فَإِذَا كَانَ نَوَاقِدُ الْوُضُوْ ثَمَانِيَ فَالَّذِي ذُكِرَ فِي الْإِقْنَعِ c'est dans le mذهب de l'Hanabila أَنَّ نَوَاقِدُ الْإِسْلَامِ أَكْثَر مِنْ أَرْبَعَمِيَ. Donc là, il dit, le cheikh, barakallahu fikum, celui-ci prouve que ce qu'il voulait dire lorsqu'il dit qu'il ne voulait pas dire qu'il n'y en avait que 10, il dit, eh bien, dans le madhab des Hanabila, hein, donc dans l'Iqna', eh bien, il est mentionné qu'il y a plus de 400 annulatifs de l'islam. D'accord. Ceci prouve que lorsque vous lisez ce livret, ça ne veut pas dire que lorsque vous dites il y en a 10, automatiquement, non, il n'y en a que 10. Non, là, vous savez qu'il n'a pas voulu dire qu'il y en a 10, d'accord ? Mais parmi les grands annulatifs, eh bien, il y en a 10 qui reviennent, d'accord ? إِذَنْ قَطْعَنْ هُنَا أَنَّمَا أَرَدَ الْحَصْرِ. Donc, ceci est clair qu'il n'a pas voulu juste délimiter sur seulement ces 10. هَذِهِ النَّوَاقِدْ بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ مِنْهَا القولية ومنها الاعتقادية ومنها العملية ومنها ما يتعلق بالشك. Et on va terminer sur ce point-là, inshallah. Et on continuera bien là, inshallah, la semaine prochaine sur ce point-là. Donc il dit parmi les annulatifs, barakallahu fikum, il y a des annulatifs de la parole, dû à la parole. D'accord ? Il y a dû à la parole. Il y en a dû à la croyance. D'accord ? Donc il y a des choses qui vont annuler l'islam, d'accord ? Dû à la parole, d'autres à la croyance. Wa minha al-amaliya, d'autres au fait que la personne va faire telle ou telle chose, ça va annuler, d'accord, son islam. Wa minha ma yata'allaqu bi-shakk, et il y en a qui est lié avec le doute. D'accord ? Et il y en a qui est lié avec le doute. Nous allons voir, inshallah, dans le détail, le reste, inshallah. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullah khair.